Yez pour vos avis chez nous, les moignes gaudines. Vite à vous, hein, les guignots, c'est mère la toute nous. Ma vie sacrée, mais qu'elle eau, les pauvres gaudines. Qu'est vieille bête à faute de qu'elle sait d'arrêter son dos. Quand ce clair s'en va, c'est mère, c'est écueillée. Gaudine, gaudine, ma tétin, c'est pas mon ça, gaudine, gaudine. Lentement un cabas, gaudine, gaudine. Lorsque voilà un choc, une sa gaudine, gaudine. Peut pas sauver tous les gars. Quand t'as s'en ferait Paris pour voir le cousine, tu qui te fais faire ma fouette, le col du pays. Les gaudines tout est ouais, ils gardent les vitrines. Ma planquette, noto, je le mot, c'est mère, les dis plutôt les parisiens. Des vous les vieilles bramins, gaudine, gaudine, mal te teindre, pardon ça, gaudine, gaudine, t'es dolentement un cabas, gaudine, gaudine, dose te voir un chaud pizza, gaudine, gaudine, te faire sauver tous les gars. Les gaudines sont tout pas mots de ce qui Dieu s'aimère, elle m'a chaud en bêchant le dos, des vous sont point chaud. Soir elle est loin de l'anneau, au bas des fanfares. Est-ce que quasiment rien est contre ces cavaliers? C'est mère que les beaux buts, il y est mon doux Jésus. Gaudine, Gaudine, man te teint, non pas de ça. Gaudine, Gaudine, t'es dolentement un cabas. Gaudine, Gaudine, lorsque voilà un chopin, ça. Gaudine, Gaudine, te fasse sauver tous les gars. Gaudine va d'épouser, car des blagues potrées sont un gapin déluré, un flanguin l'audier. Les tourneaux n'est point annoncé, tourmenté sa feuille. Le soir quand ta feuille chez eux faille éclater en deux. D'arrêt les potes flommées, est-ce mis ta sanguioté. Gaudine, Gaudine, mal te teint, non pas non ça. Gaudine, Gaudine, t'es dolentement un cabas. Gaudine, Gaudine.